This is Crazy Cat Production, producer of Hip Hop Beats. Revolver, T-Mex, Trixé, si j'étais Al Pacino, je ferais le volume 2 de Scarface, me relèverais de ma tombe pour me venger de Sosa. Si j'étais avocat, j'aurais été Karim Achour ou Mec Vergès pour défendre des voyous. J'aime pas les Schmitt, donc je l'aurais jamais été. Par contre, j'aurais maître Mesrine pour les affronter. Si j'aurais choisi une ville, j'aurais choisi Kaboul. J'aime pas la société, les mecs qui sucent des boules. Donc je serais jamais une victime de rappeur. Si j'étais un physique, j'aurais tué que des pointeurs. Travailler moins pour gagner plus, le slogan que j'aurais eu à la présidence. Si j'étais Sarko, j'aurais égalisé le cannabis. Si j'étais MC, j'aurais été Alish. Si j'étais la relève d'Alish, j'aurais été Si j'étais le gentil dans ce monde, je cautionnerais le matériel et la perversion dans le son. Vos sales textes dans le son, vos sales têtes pensantes. On met les MC en son, mec, je te fais briller de sort comme au cheval d'Arson. Si j'étais un frisson, j'aurais été Freddy Krueger. Les griffes de la nuit sur les inspecteurs. Si j'aurais été Mac, j'aurais eu que des Nicole Scherzinger. Un Dallas Mavericks façon les clarines m'ont fait briller. Si j'étais à Medine, la lumière deux fois plus sur moi s'illuminerait. Rien à foutre des billets. Si j'étais haut placé, ce serait les institutions que je pillerais. Une virée sur la plage de Marbella. Hello ma belle, ma capote est décapotable. Si j'aurais été Zidane, j'aurais mis un tir au but dans la tête. Ma terre asie en lui disant Nico. Ok, cool, Kaiser, A.K.A.Y. Si j'étais au Parlement, ce serait les chéris que je dénigrerais. Ma voix serait entendue et tout le monde serait que c'est par les Illuminati que le monde est dirigé. Si j'étais ignare, je dirais que ce monde est beau. Malgré ça, trop de complots, ça crève la rétine. Comme dire que le 11 septembre était organisé par des musulmans. Si j'étais au 20h, je balancerais tous ces clichés sur ma communauté et montrerais que les voyous ne sont pas dans les cités. Cousin, tu ne peux pas le nier. Si j'étais dans le flou, je mordrais aux feintes fluides médiatiques qui nous incitent à ce que nos pensées soient identiques. Arrêtez les problèmes politiques. Il n'y en a pas, c'est simplement que dans les pas de Satan, les USA sont rois.